Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL au 89.1 et on va maintenant découvrir un livre qui incite fortement à passer à l'action, à faire des expériences amusantes de physique, de chimie, de biologie, avec rien de plus que ce qu'on trouve habituellement dans une maison, dans une cuisine, peut-être dans la salle de bain. Ce livre, c'est Au labo les débrouillards. Il est paru aux éditions Bayard et son auteur est Yannick Bergeron et qui a donc reçu le prix Uberif de la catégorie jeunesse pour ce livre-là. Et il est avec nous au téléphone. Bonjour Yannick. Bonjour Valérie. Alors, il y a des gens qui ont déjà la chance de vous connaître. Je parle par exemple de vos élèves parce que vous êtes enseignant de chimie au secondaire à Montréal. Et puis, vous êtes aussi l'auteur des expériences décrites dans le magazine Les Débrouillards. Et puis, ce livre, c'est pas non plus le premier, c'est quand même votre troisième livre où vous présentez des expériences. Donc, au fond, on peut dire qu'en matière d'expérience, vous avez de l'expérience. Oui, c'est ça. Ben, arrêtez, c'est le quatrième. C'est le quatrième tome. Au laboratoire Les Débrouillards, c'est le quatrième que j'ai écrit et j'écris pour le magazine depuis plus de 15 ans. Puis, mm-hmm. C'est une très belle aventure d'écrire de la science parce que c'est pas évident, mais j'ai eu tellement d'aide, tellement de support de la part d'une équipe extraordinaire, parce qu'écrire un livre, c'est pas juste une personne, mais c'est un ensemble de personnes qui fait ça. Puis j'ai eu la chance de faire ça depuis l'âge de 19 ans. Donc j'ai commencé tout jeune, puis depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu moins Les Débrouillards, il y en a peut-être. Oui. Donc ce livre-là, il s'adresse pour des jeunes à partir de quel âge? Ben, le livre s'adresse pour les 7-14 ans à peu près, je dirais. C'est un livre rempli d'expériences scientifiques. Puis c'est vraiment pour les jeunes du primaire, puis début secondaire aussi. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas d'âge pour faire des expériences, parce que j'ai souvent, moi, dans mon travail, et je suis animateur scientifique également, en plus d'être professeur, donc je m'amuse à aller même dans des CPE, des petites garderies, pour aller faire des expériences avec des enfants de 2 à 4 ans, puis ils trippent autant, puis des enfants aussi de préscolaire aussi, ils trippent. Puis l'important, c'est de mettre la main à la pâte, je pense. Oui, absolument. Donc ce livre-là doit justement inciter à mettre les mains à la pâte. Donc j'imagine que c'est pas juste un texte, ce livre, c'est pas juste un texte qui dit prenez tel ustensile, prenez telle chose. Il y a des images pour inciter les jeunes à passer à l'action, des illustrations. Oui. Comment que ça se présente? Ben, comment ça se présente? En réalité, il y a tout d'abord, ça ressemble vraiment à une BD, parce que c'est un format de livre BD, donc c'est un format 9x12, puis à l'intérieur, il y a 64 pages. Donc ça ressemble beaucoup à une bande dessinée, mais c'est complètement différent. Chaque deux pages, en réalité, c'est une expérience. Donc d'un côté, il y a le titre, il y a une question qu'on se pose, ensuite, il y a un petit calepin qui présente toujours ce qu'il faut avoir, donc du matériel dans la maison, puis ensuite, les étapes sont illustrées. Et les étapes, je m'assure toujours d'être présent lors de la fabrication en réalité du livre, quand on prend les photographies, pour m'assurer que ça soit exactement ce que j'avais en tête et le texte qui correspond avec. Donc, j'ai une photographe qui s'appelle Laurence Labat, extraordinaire, prend des photos avec moi. Et les jeunes, c'est toujours des jeunes que je côtoie. Donc, je suis capable de bien les diriger. C'est des jeunes de secondaire 1 que je prends. Puis dans le livre, c'est présenté de cette manière-là, donc sous forme d'étapes. Puis une fois que les étapes sont terminées, il y a une grande photo qui présente le résultat final, avec bien entendu une explication scientifique qui explique pourquoi on fait ce genre d'expérience-là. C'est pas juste une démonstration pour une démonstration, mais aussi on veut que les jeunes puissent apprendre des choses. Oui, puis ce qui est important, c'est que donc dans toutes les étapes, on voit un jeune qui est en action lui-même. Là. Donc finalement, le jeune lecteur, il va se projeter dans les images, il va se dire, ben là, s'il y a une image qu'il fait, moi aussi, je peux le faire. Exactement. Puis on essaie de prendre aussi des garçons et des filles. Puis des fois même, on change un peu la donnée. Une expérience de gars, on va dire, ça serait le fun avec une fille. Puis une expérience de fille, ça serait le fun avec un garçon, de manière à pouvoir enlever toutes les croyances populaires, puis de dire que la science peut être populaire pour tout le monde. Puis ce qui est intéressant aussi, donc, c'est parce que quand on pense expérience de physique, chimie, bon, on peut penser à des appareils sophistiqués, de la verrerie, des appareils de laboratoire. Mais là, finalement, il y a tout ce qu'il faut à la maison. Bien sûr, puis le nombre d'expériences que j'ai écrites depuis un certain temps le démontre beaucoup, parce que je pensais toujours à un moment donné avoir peur de plus avoir d'idées, mais au contraire, il y a énormément d'idées qui jaillissent de mon cerveau, mais en même temps des lectures que je fais autour de moi, et toutes ces expériences-là, le but premier, c'est d'avoir le matériel à la maison et de pas commencer justement d'aller chercher des appareils sophistiqués, des brûleurs Bunsen, des mélangeurs automatiques, des catapultes à piffiner. Moi, j'aime mieux aller chercher dans la maison le bicarbonate de soude, le vinaigre, d'aller chercher à ce moment-là des Super Balls, d'aller chercher des bâtons, puis d'essayer de trouver une façon de concevoir une expérience à partir de ce qu'on a à la maison. Oui, alors on veut un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience avec ce qui nous tombe sous la main à la maison? Bon, ben premièrement, on peut faire... je lisais dernièrement que les jeunes aimaient beaucoup les bombes, là, les choses comme ça. Mais tu sais, faire une bombe, comment qu'on peut faire ça avec du matériel à la maison de manière simple et surtout sécuritaire? Oui, ça, c'est important dans aussi. Dans un sac de plastique, un sac Ziploc, un petit sac fermé avec une fermeture, on met un peu d'eau colorée, du vinaigre, colorée. Puis on met un papier mouchoir rempli de bicarbonate de soude. Ouais. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit le mouchoir rempli de bicarbonate de soude à l'intérieur du sac, on ferme le sac, on brasse un peu et on lance ça à l'extérieur. Mm-hmm. Et à ce moment-là, le sac va gonfler, ce qui va prouver la présence de gaz carbonique et la réaction entre le vinaigre et le bicarbonate de soude. Puis le sac va tout simplement faire pouf! Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui est dangereux, mais c'est plutôt quelque chose qui nous fait réaliser qu'il y a des mélanges qui peuvent produire des gaz et que ces gaz-là peuvent créer ces petites choses-là. On peut faire une tornade moussante, par exemple, avec deux bouteilles de liqueur recyclé, des 2 litres, dans laquelle on va enrubaner les deux goulots à goulot, les deux goulots ensemble, pour pouvoir ensuite de ça mettre une solution d'eau savonneuse à l'intérieur, colorée, et de faire un mouvement pour pouvoir provoquer la tornade dedans. Ou tout simplement, on peut y aller avec des œufs lumineux que j'aime beaucoup, sortir le jaune de l'œuf et le blanc d'un œuf, le contenu d'un œuf finalement, de l'œuf en tant que tel, puis d'ajouter un petit montage de petites piles à montre et de diodes électroluminescence qui sont des petites dalles de couleur qui sont rendues très populaires, très disponibles un peu partout, de mettre ça à l'intérieur et d'avoir un œuf complètement lumineux de la couleur qu'on veut bien. Ou encore de fabriquer, je sais pas, des bonbons moussants avec toutes sortes d'ingrédients qu'on a chez soi. Ou encore de fabriquer vous connaissez sûrement les tablettes de chocolat qui a de la cire éponge dedans? Non, pas vraiment, pas très familier. Vous connaissez la cire éponge? Même pas, c'est un mélange entre, en réalité, du sucre, de l'eau, et à la fin, lorsque le sucre caramélisé en tant que tel, on envoie une quantité de bicarbonate de soude pour permettre de produire un gaz, et à ce moment-là, on obtient une pâte à sucre gonflée, où on peut faire des canoës, des bulles de savon géantes avec les ingrédients qu'on a à la maison. Mm-hmm. Les gens ne savent pas que dans leur maison, ils ont tous les ingrédients pour faire la meilleure recette de bulles de savon au monde, qui est en réalité de la fécule de maïs, du savon à vaisselle, de l'eau et de la poudre à pâte. Ah, et quand oui. on mélange oui. tout ça ensemble dans les bonnes proportions, on obtient une solution savonneuse qui nous permet de faire des bulles de savon de 2, 3, 4 et 5 mètres de diamètre. Ah, c'est vrai? Oui, et c'est très impressionnant. Ben et dans oui, mon sûrement. Livre, je l'explique, j'explique ce genre de choses-là. Ah oui. Et on n'a pas besoin, justement, d'aller chercher des appareils sophistiqués. Ben non, c'est ça. Puis, bon, il faut quand même rassurer les parents, là, au niveau de la sécurité. Donc, toutes ces expériences-là ont été testées. Oui. Ça fait des années que vous les faites. Et même quand il oui. y en a une nouvelle que vous écrivez, que vous publiez, elle est testée. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Il n'y a pas de mélange explosif. Tout est sécuritaire. Faut quand même... Exactement. Ouais. La priorité des débrouillards, c'est de s'assurer que les expériences sont réalisables à la maison et ne sont jamais dangereuses pour les enfants et pour la maison et pour les parents. On veut que les enfants puissent faire leurs propres expériences à la maison, donc sans avoir toujours le parent derrière eux qui puisse faire leurs expériences. Donc, moi, il y a deux choses que je m'assure. Premièrement, j'écris les textes, mais je tente aussi les expériences. Mm-hmm. C'est-à-dire, moi, avant d'écrire le texte, l'expérience a déjà été créée dans ma tête. Je l'essaie ensuite de ça avec le matériel que j'ai chez moi. Mm-hmm. Une fois qu'elle est faite, je fais les ajustements nécessaires. C'est sûr et certain qu'on va les tester et qu'on va vérifier à ce que tout soit conforme et surtout sécuritaire pour les enfants. Mm-hmm. Et en fait, même si les parents sont peut-être pas très rassurés, ils peuvent tout simplement assister aux expériences. Oui. Parce que aux expériences de leur débrouillard. Et puis retrouver finalement l'enfant en eux parce que c'est des expériences qui sont drôles, intrigantes. Puis il n'y a pas de limite d'âge finalement pour faire ces expériences-là. Exactement. Puis comme je dis toujours, c'est intéressant d'avoir les parents qui s'impliquent. Je vais vous donner un exemple pour les auditeurs. Vous avez juste à prendre la crème à raser. Tout le monde a ça à la maison. Un peu de colorant alimentaire. Tout le monde a ça à la maison à cause souvent des petits gâteaux qu'on fait. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, une baguette. Donc n'importe quelle sorte de baguette. Ça peut être un crayon, n'importe quoi. Donc on prend une grande assiette, on verse de la crème à raser dans l'assiette. On ajoute du colorant alimentaire un peu partout. On prend ensuite de ça la petite baguette, on passe dedans pour faire des serpentins, des lignes, etc. Un peu comme sur le dessus d'un gâteau. Pardon. Et ensuite de ça, on dépose une feuille de papier par-dessus. On appuie légèrement sur cette espèce de mélange de savon et de colorant alimentaire. Et bizarrement, les fibres du papier vont se gorger de savon coloré qui provient de la crème à raser. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on va avoir un papier d'emballage fait maison. Ben oui, puis unique. Et c'est très joli. On enlève ensuite de ça avec une règle, tout simplement, l'excédent de crème à raser. Et voilà, on vient d'obtenir une superbe belle expérience. Et les parents sont souvent, comment je pourrais dire ça? Stupéfait. Ils sont plus pressés que leurs enfants à vouloir mettre le colorant alimentaire puis de faire l'expérience. Ah, ouais, donc, ouais. C'est juste de mettre la main à la pâte, comme je disais au début. Ouais. Alors finalement, c'est un livre pour s'amuser, pour expérimenter, pour impressionner les parents, impressionner les amis. Mais oui. Finalement, faire de la science tout en s'amusant. Exactement, c'est en plein ça. Merci beaucoup Yannick, félicitations pour ce prix Uber Eats. Merci pour toutes ces expériences qui vont donner le goût à plein de jeunes et de parents de s'amuser et de mettre la main à la pâte, mettre la main à la science en s'amusant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, nous étions avec Yannick Bergeron, lauréat du prix Uber Reeves catégorie jeunesse pour son livre « Au labo les débrouillards » paru aux éditions Bayard. Sur CKRL, on va faire une petite pause musicale et au retour, nous retrouverons Philippe Rioux qui nous parlera de la dynamique du biome humain.